بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, chers frères, barakallahu fikum, la lecture de ce court épître mais très important de l'imam Ahmed rahimahullah, dans lequel il explique les fondements de la sunna, c'est-à-dire les fondements de l'islam. La sunna, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est obligatoire de suivre. On a vu lors du cours précédent que parmi les fondements de la sunna, il y a le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait de les suivre. Et aussi donc, le fait de les suivre. Et il continue, et le fait de délaisser aussi l'innovation, comme on a vu lors du cours précédent, le fait de délaisser toute innovation. Il continue l'imam Ahmed rahimahullah et il nous dit وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ. Et donc il fait partie des fondements de la sunna, le fait de délaisser les débats, et de délaisser les débats, les polémiques, et de délaisser la fréquentation avec les gens de la passion. Nous ne devons pas les fréquenter. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Certes, nous avons fait descendre sur vous dans le livre que lorsque vous entendez les versets d'Allah qui sont donc rejetés et pris en moquerie et pris en raillerie, alors ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Sans quoi vous êtes comme eux. Sans quoi vous êtes comme eux. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, il cite ici que ceci est un sujet d'unanimité, l'obligation de ne pas fréquenter les adeptes de la passion. Malheureusement, les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils vont comprendre dans certains cas. Ils vont comprendre quand ça devient dangereux pour eux physiquement, ou du moins ça devient dangereux pour eux, pour leur sécurité, etc. Là, ils comprennent. Une personne qui voit des dealers, il ne va pas fréquenter les dealers. Il va se dire, ah non, non, ça c'est dangereux, soit pour moi, pour ma santé, etc. Non, non, ça va m'attirer des problèmes. Une personne qui voit des terroristes, ou des personnes qui appellent au terrorisme, des personnes qui vont défendre Daesh, cette personne-là, elle va boycotter. Les gens vont boycotter cette personne. Ils ne vont pas la fréquenter. Pourquoi? Parce que ça va t'attirer des problèmes. Est-ce que les égarements dans la religion s'arrêtent à Daesh? Non. Il y a d'autres groupes égarés. Toute personne qui appelle à autre que ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la religion appelle à une déviance. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. On fréquente un peu tout le monde, tout va bien, hein? Sauf si il y a un dérichi quelque part, là on dit, ah non, attention, lui c'est un dérichi, lui ou elle c'est un dérichi. Par contre, tous les autres groupes, Masha'Allah, bienvenue, marhaban bikoum, bienvenue, bienvenue. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui fait partie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, La tujalis ahl al-ahwa, fa inna mujalasatahum mumridatun lil-qulub. Il dit, Ibn Abbas, ne fréquente pas les adeptes de la passion. Ne fréquente pas les gens de la passion. car leur fréquentation est une cause de maladie pour les cœurs. Subhanallah. Hein? On parle de purification de cœur. On veut purifier nos cœurs. Sache que le fait de fréquenter les gens de la passion, c'est une cause donc de maladie des cœurs. Mais comme il nous a dit notre frère Suleyman Hafidahullah, qui sont les gens de la passion? Mais qu'est-ce qui est voulu par Ahlul Ahwa? Al-Ahwa en arabe, le pluriel de Hawa. Al-Hawa. Et Al-Hawa a été appelé Hawa. Donc la passion ici a été appelée Hawa parce que la passion entraîne son adepte dans le feu. La passion entraîne son adepte dans le feu. Et la passion, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui s'oppose à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ce qui s'oppose à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, les adeptes de la passion, ce sont des gens qui ont fait prévaloir ce qui s'oppose à la sunna, à la sunna. Ils ont fait prévaloir toute autre chose à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait prévaloir leur chair, ou alors ils ont fait prévaloir leur origine, ou alors ils ont fait prévaloir l'argent, ou alors ils ont fait prévaloir une raison, tout ce qui fait que tu peux t'opposer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu leur dis « Qala Allah, Qala Rasulullah » ils te disent « Non mes chers ». Tu dis « Akhid taqillah, Qala Allah, Qala Rasulullah » Non, mais si tu sais que on n'est pas obligé ou je ne sais pas, etc., etc., etc. Les adeptes de la passion. Ceux qui vont suivre, donc ceux qui s'opposent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui fait partie des très grands savants de la communauté musulmane, il est mort donc en l'an 187 de l'Égypte. Et il dit « La tujalis ou la tajlis ma'a sahibi bid'a fa inni akhafu an tanzila alayka al-la'na » Et il dit le Fudayl ibn Iyad « Ne t'assieds pas avec un innovateur car j'ai peur que la malédiction ne descende sur toi. » Et donc les pieux prédécesseurs, il ne fréquentait pas les gens de la passion. Il ne les fréquentait pas, ne s'asseyait pas avec eux, afin de préserver leur cœur. Et certes, il y a un texte important ici que j'aimerais vous citer. Ce texte qu'on peut trouver dans le Sunan de Darimi, qui stipule que Mohammed ibn Sirin, deux hommes qui font partie des gens de la passion, sont venus le voir. Mohammed ibn Sirin, il fait partie des grands savants aussi de la communauté musulmane. Des très grands savants. Et donc, deux personnes de la passion, deux adeptes de la passion sont venus le voir. Ils lui ont dit, « Ya Aba Bakr, nous hadithuka bi hadithin. » Ils lui ont dit, « Oh Aba Bakr, donc c'est ibn Sirin, nous allons te citer un hadith. » Un hadith du prophète, écoute quoi là, là. Aujourd'hui les gens, quand on est à la mosquée, on finit de prier parfois, t'as des personnes que tu connais pas, tu sais pas qui ils sont, tu sais pas si c'est des adeptes de la passion ou pas, ils viennent, ils vont te citer 30 hadiths. Allez, ils prennent un livre, ils choisissent un livre, ils disent « Ah, va te Riyad Salihin !» Ils se posent, allez hop, on lit des hadiths. Ibn Sirin, un grand savant. Nous, aujourd'hui, des personnes peuvent nous lire des hadiths et nous tromper, et nous amener dans un égarement sans qu'on s'aperçoive. Un grand savant ici, Ibn Sirin, lorsqu'ils lui ont dit ça, il a dit là, non. Non, vous n'allez pas lire le hadith. Ils lui ont dit Nakra'u alayka ayatan min kitabillah. On récite sur toi un verset du livre d'Allah. Quand même, tu ne vas pas nous dire non, un verset du livre d'Allah. Tu es musulman, tu aimes le livre d'Allah. Il a dit non, là. لتكومن عني أو لأكومن فخرجا. Il leur a dit, c'est soit vous allez vous lever, soit c'est moi qui me lève. Soit vous vous levez, soit c'est moi qui me lève. Il y a deux solutions, pas trois. Alors ils sont partis. Alors les gens, ils ont dit, Ya Ababak, les personnes qui ont assisté à ça, Ya Ababak. Wa ma kana alayka an yaqra'a alayka ayatan min kitabillah. Qu'est-ce qui t'a empêché qu'il te lise, qu'il te récite un verset du livre d'Allah? Un verset du livre d'Allah, qu'est-ce qui t'empêche? Qala inni khashitu an yaqra'a 'alayya ayatan fayuhallifaniha fayuqirru fayaqru dhalika fi qalbi. Il a dit, j'ai eu peur qu'il me récite un verset du livre d'Allah et qu'ils en changent son sens et que cela reste dans mon cœur. Subhanallah. Ça, c'est un grand savant de la communauté musulmane. Les grands savants, les imams de la communauté musulmane, ils avaient peur pour eux-mêmes. Comment se fait-il que nous, on n'a pas peur pour nous-mêmes? Est-ce que nous sommes meilleurs qu'eux? Abdelrazzaq, qui lui aussi fait partie des grands savants de la communauté musulmane, il fait partie des enseignants de l'imam al-Bukhari. Il fait partie des professeurs de l'imam al-Bukhari. Il dit, « Kholali Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, ara al-mu'tazila indakum kithiran. » Subhanallah. Al-Bukhari, il choisissait ses enseignants, cet homme. Il ne choisissait pas n'importe qui. Alors Abdurrazzaq, l'enseignant de Bukhari, il nous dit, Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya, il m'a dit, je vois qu'il y a beaucoup de Mu'tazila chez vous. Les Mu'tazila, ce sont ceux donc, qui ont donc, emprisonné l'imam Ahmed, qui l'ont fouetté, etc. Et ce sont ceux qu'aujourd'hui, certains républicains essaient de relever. Ils disent, il faut ramener l'islam... comme ils disent, l'islam quiétiste ou l'islam juste, ce sont ceux qui ne font pas de mal. Bon, ils ont fouetté l'imam Ahmed, ils ont tué certains savants, mais bon, Malik, c'est pas grave. C'est pas grave s'ils tuent les musulmans. L'essentiel, c'est que, ben, c'est qu'ils soient tranquilles et sages ici. Et donc, il dit à Abdelrazzaq, il lui dit, je vois qu'il y a beaucoup de Mu'tazila chez vous. Alors Abdurrazzaq, l'enseignant de Bukhari, il dit, oui, il y en a. Et ils prétendent que tu fais partie d'eux. Ah, là maintenant c'est le moment d'être clair. Là c'est le moment d'être clair. Il y a la secte des Mu'tazila, ils sont nombreux ici. Ils prétendent que tu fais partie d'eux. C'est le moment de me dire non. Non! Ah non, moi je ne suis pas avec les Mu'tazila. Alhamdulillah, moi je suis la sunna du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Qal, afala tadkhulu ma'i hadha al-halut hatta ukallimak. Alors Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya, il a dit à Abdelrazzaq, l'enseignant de Bukhari, il lui a dit, tu ne veux pas rentrer avec moi dans ce halut, hein, dans ce petit commerce, afin que je te parle? Là, ce n'est pas le moment de ça, c'est le moment de dire non, je ne suis pas avec eux. Là, je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, viens, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Viens. Alors, il lui a dit, là, non, je n'en parle pas avec toi. L'enseignant de l'imam al-Bukhari, il a dit, non, je ne rentre pas avec toi. Il lui dit, lui-même, mais pourquoi? Il lui a répondu, il dit, anna al-qalba da'if, wa dinu laysa liman ghalab. Allahu Akbar. Subhanallah. Il lui a répondu en disant, parce que le cœur est faible et la religion n'appartient pas à celui qui a le dessus. Celui qui a le dessus dans le débat. Je ne veux pas débattre avec toi. Je ne veux pas débattre avec toi. Le cœur, il est faible. On parle de qui là? L'enseignant de l'imam al-Bukhari. On ne parle pas de n'importe qui là, on parle de des grands parmi les imams de la communauté musulmane. Il nous dit le cœur est faible. Et la religion n'appartient pas à celui qui a le dessus. Je connais en France un jeune qui s'est égaré comme ça. Parce que, subhanallah, il y a un homme qui faisait partie d'une secte qui rejette les noms et attributs d'Allah, qui permet même le fait d'invoquer les saints, etc., etc. Alors ce jeune, il a commencé à débattre avec cet homme, il a senti qu'il avait la capacité de débattre avec lui, alors il lui a donné rendez-vous pour débattre. Et il a contacté un des prêcheurs là-bas en France, un prêcheur qui n'a pas étudié, il ne connaît pas, il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié, il n'a pas voyagé pour étudier, c'est quelqu'un qui a la langue arabe, mais en France, à partir du moment où tu as la langue arabe, mashallah alik. Et donc, cette personne qui est prêcheur a dit au jeune, ok, pas de problème, rendez-vous avec lui, etc., etc., on va débattre avec lui. Dernière minute, ce soi-disant prêcheur a annulé le rendez-vous. Le jeune s'est retrouvé tout seul avec cette personne qui s'était préparée pour le débat. Et ils ont débattu et c'est ainsi qu'on a perdu ce jeune. Il est parti. Il est parti. Et je le connais personnellement. Et donc tout ça parce qu'on n'a pas peur pour nous-mêmes. Les grands imams, ils ont peur pour eux, mais nous, on se sent courageux, non? Ah, on y va, allez, hé. Non, laisse-moi écouter. C'est bon, je vais filtrer. Ce qui dit de mauvais, je vais dire non. Ce qui dit de bien, je vais dire ok. Mais comment tu vas filtrer? Qu'est-ce que tu as comme bagage pour filtrer? Est-ce que tu sais déjà faire la différence entre un hadith faible et un hadith authentique? Comment tu vas faire pour filtrer s'il te dit qu'il est à la Rasulullah, tu vas filtrer comment? Et donc il faut qu'on fasse très très attention, chers frères. Le sujet est lourd, le sujet est grave. Ensuite, concernant le sujet du débat, on va l'aborder plus profondément, Inch'Allah, plus dans les détails au prochain cours. Et on demande à Allah Ta'ala de nous accorder à tout ce qu'il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا